Selon Yonam News de Corée du Sud, le 18 courant, le chef d'un institut de culture a mis au jour des preuves confirmant que l'ancienne armée japonaise avait pris part directement aux crimes anti-humains jamais vus après avoir emmené les femmes coréennes comme esclaves sexuels. En publiant le contenu du journal de service de la 7e compagnie du 21e régiment de l'infanterie de l'ancienne armée japonaise, il a dit « Le journal différencie clairement la maison close civile et le centre des consolatrices. La sortie et l'entrée du centre des consolatrices étant contrôlées par l'armée. Il a été révélé que l'argument qui affirme que le centre a été entretenu par les civils était mensonge. Vu les preuves de contrôle et d'entretien des centres de femmes de réconfort par le gouvernement japonais, je mets au monde le journal dans le sens que le gouvernement japonais arrête des absurdités et présente ses excuses sincères. »